الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من الأمور العظيمة النافعة للعبد في هذه الحياة الدنيا التفكر في آيات الله والتأمل في عجائب مخلوقاته، فإن ذلك يا عباد الله، فإن ذلك يا عباد الله يقوي اليقين ويزيد الإيمان ويعظم الصلة برب العباد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن آيات الله العظيمة اختلاف الليل والنهار، اختلاف الأحوال ليل ونهار، حر وبرد، شتاء وصيف، ربيع وخريف، ولله الحكمة البالغة في كل ذلكم يا عباد الله. وتأمل نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد في دخول الشتاء على الصيف والصيف على الشتاء، كيف يكون بالتدرج، ولو كان فجأة لأضر بالأبدان ولأهلكها، ولأضر بالنباتات ولأهلكها، فلله الحمد. وها نحن دخلنا في فصل الشتاء، وآيات عظيمة تكثر في الشتاء كالرعد والبرق والصواعق والمطر والبرد. قال الله جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وعند أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. قال: والله على ما نقول وكيل. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد، أخبرنا ما هذا الرعد. فقال صلى الله عليه وسلم: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، يسوقه حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا صدقت. وفي شأن المطر والبرد يا عباد الله، قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذه آيات الله العظيمة يا عباد الله، علينا أن نتفكر في عجائب مخلوقاته جل في علا. وفي الصيف يا عباد الله مع الحر الشديد تذكير بالآخرة وحر جهنم، وهكذا في الشتاء يا عباد الله بالبرد الشديد تذكير بزمهرير جهنم ونعوذ بالله من النار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فتذكير، فتذكر أيها العبد ضعفك وفقرك إلى الله سبحانه وتعالى أمام كل ذلك، فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة والتوبة النصوح كي ننجو يوم القيامة من نار وحرارة جهنم عياذا بالله. فالأمر أمر الله والملك ملك جل وعلا، فمن يطيق نار جهنم يا عباد الله؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن الأخطاء العظيمة التي تخل بسلامة المعتقد قول بعض الناس في الطعن في الزمان أو بالطعن في الدهر، يسبون الدهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالمسبة أو السب راجع إلى المدبر العزيز العليم جل وعلا. ولقد امتن الله على عباده بما خلق لهم من أصواف بهيمة الأنعام كي نتقي البرد، وهكذا لنتقي نار جهنم لا بد أن نعمل بالصالحات. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ومع هذا البرد الشديد يا عباد الله تأوون إلى بيوتكم فتسكنون وتشترون من الأثواب ما تتقون به البرد. وفي هذا تذكير لمن يا عباد الله؟ لإخواننا الفقراء الذين افترشون على الأرض ولا يجدون ما يسدون حاجة أولادهم. ألا اتقينا حر جهنم بالعطف عليهم وبالصدقة عليهم بأموالنا وبالأثواب إلى غير ذلكم يا عباد الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهكذا الشتاء يا عباد الله فصل يفرح به الصالحون والعلماء العاملون. الشتاء عباد الله غنيمة باردة، أي حصلت دون مشقة. الشتاء غنيمة باردة للعابدين والمطيعين، فنهاره قصير فنهاره قصير يسهل فيه الصيام، وليله طويل يسهل فيه القيام. وكان إذا جاء الشتاء، وكان إذا جاء الشتاء فرح العلماء والصالحون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. رواه أحمد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ومثل ذلك قال الحسن البصري: نعم زمان المؤمن الشتاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Parmi les choses les plus profitables pour le fils de Adam dans ce bas monde, le fait de méditer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses grandes créatures. Il y a dans cela une augmentation pour l'iman, pour la foi. Il y a dans cela une augmentation de la foi du croyant, et il y a une augmentation également de sa certitude. Aussi, son lien avec Allah tabaraka wa ta'ala se renforce. Son lien avec Allah azza wa jal se renforce. Il nous dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des nuits et des jours, des signes pour les gens doués d'intelligence. Ceux qui se rappellent Allah, ceux qui mentionnent et évoquent Allah, étant debout, allongés sur leurs flancs, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, et disent: ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, excepté-toi-tu de tout défaut, préserve-nous du feu. Donc le fait de méditer la création d'Allah Azza wa Jal est une cause pour augmenter notre foi et notre certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les grands signes manifestes d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a les différentes saisons et la succession des jours et des nuits. Il y a le froid et la chaleur. Tous ces changements sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a fait se succéder les jours, les nuits, tout comme il a fait se succéder les saisons. Et dans cela, il y a une grande sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez par exemple l'entrée de l'hiver. L'entrée de l'hiver ne se fait pas directement après l'été. Et l'entrée de l'été ne se fait pas directement après l'hiver. Dans le cas contraire, cela aurait été très difficile pour la plupart des gens. Cela nous aurait nui grandement et aurait pu ôter la vie à certaines personnes devant la difficulté. Aussi, les cultures et les terres auraient toutes été détruites. Mais par la grâce d'Allah Azza wa Jal, cela se fait graduellement. Et nous venons d'entrer dans la saison de l'hiver. Et c'est une saison où il y a beaucoup de bien pour le croyant et où il y a beaucoup de signes comme la pluie, comme le froid, comme les tempêtes, comme les éclairs et le tonnerre. Tout cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sourate Ar-Ra'd, dans sourate le tonnerre, il nous dit subhanahu wa ta'ala, sur la traduction des sens de ce verset, et il envoie ses foudres avec lesquelles il atteint qui il veut. Avec lesquels il atteint qui il veut. Donc le tonnerre et la foudre font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le recueil de l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu nous dit que des gens du livre sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: nous allons te questionner sur 5 choses. Seul un prophète est capable d'y répondre. Et parmi leurs questions, il y a eu: qu'est-ce que le tonnerre? Ou plutôt, Naam, qu'est-ce que le tonnerre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question. Donc, qu'est-ce que Ar-Ra'd? Il a répondu: c'est un ange parmi les anges, il est chargé des nuages. C'est un ange parmi les anges et il est chargé des nuages. Dans sa main, il y a une matraque de feu. Il y a un fouet de feu. Donc cet ange a dans sa main un fouet de feu avec lequel il dirige les nuages. Avec lesquels il dirige les nuages où Allah lui a ordonné. Où Allah lui a ordonné. Puis ils dirent, donc ils ont posé une seconde question au prophète alayhi salat wa salam. Ils lui ont dit, qu'est-ce que le bruit que nous entendons? Lorsqu'il y a le tonnerre, qu'est-ce que le bruit que nous entendons? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, c'est lui qui réprimande pour les diriger afin de les amener à l'endroit où il veut. Donc c'est le bruit de cet ange qui réprimande les nuages afin de les diriger vers l'endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et ils lui ont dit, tu as dit vrai. Donc un Ra'd, c'est le nom d'un ange qui est chargé des nuages. Et le son que nous entendons lors du tonnerre, c'est les sons de cet ange lorsqu'il dirige les nuages où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Voici un grand signe d'Allah tabaraka wa ta'ala avec le tonnerre et ce qu'on entend. Et pareillement pour la pluie et le froid, ce sont des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Nur nous dit, selon la traduction, « N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages ? Ensuite il les réunit et en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut et il écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Allah fait alterner le jour et la nuit, ou plutôt la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans tout cela des signes afin qu'on médite et afin qu'on se rappelle de sa toute-puissance et que c'est lui donc le seul qui mérite l'adoration seul d'un culte sincère, tabaraka wa ta'ala. Et sachez qu'en hiver, il y a des pics de froid, tout comme en été, il y a des canicules. Et dans cela également, il y a des signes. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'enfer s'est plaint à son Seigneur, car ses parties se mangent les unes les autres. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé deux souffles. Un souffle en hiver et un souffle en été. Donc, lorsqu'on supporte les pics de canicule en été et les pics de froid en hiver, nous devons savoir que cela provient des souffles de l'enfer. Il y a donc à travers cela un rappel pour nous. Il y a pour nous un rappel dans ce bas monde lorsqu'il fait froid. Allah Azza wa Jalla nous a facilité la laine. Il nous a facilité le manteau, il nous a facilité les vêtements et le chauffage dans nos demeures. Mais qu'avons-nous préparé pour nous préserver de la chaleur du feu de l'enfer, iyadan billah? La chaleur du feu de l'enfer, on ne peut se préserver de la chaleur du feu de l'enfer si ce n'est avec l'iman billah, avec les actions pieuses, avec le repentir sincère. Et c'est donc un grand rappel qu'il y a en hiver, lorsqu'il y a ces pics de froid, afin qu'on se rappelle du feu de l'enfer et de son châtiment. Et tout cela doit nous pousser à la réflexion, à la méditation, et à s'asseoir avec nos personnes pour nous repentir de nos péchés et aussi faire de bonnes actions. Parmi les choses qu'il nous faut faire en hiver, c'est se rappeler de nos frères qui sont dans le besoin, de ceux qui n'ont pour lit que le sol de l'extérieur, et que n'ont pour vêtements et couverture que le ciel au-dessus d'eux. Ces croyants sont à l'extérieur car ils n'ont pas de moyens. Certains d'entre eux ne trouvent même pas de quoi nourrir leurs enfants et leur acheter des vêtements. Et toi, lorsqu'il fait froid, tu accours vers les magasins afin d'acheter ce qui t'est nécessaire pour toi, ta famille. Et ceci est une bonne chose. Mais n'oublie pas tes frères dans le besoin, ces familles dans le besoin. Si Allah Azza wa Jalla t'a facilité, préserve-toi du feu de l'enfer en dépensant pour eux, en leur achetant couverture, vêtements, manteaux, en leur donnant de ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a facilité, en les invitant à manger et en dépensant de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a facilité pour apaiser et alléger leurs difficultés. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, prémunis-toi du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Celui qui donne en sadaqa la moitié d'une date, Par cela, Allah Azza wa Jal l'éloigne du feu de l'enfer. Que dira alors s'il achète une couverture pour des besogneux? Que dira alors s'il achète un vêtement et des manteaux pour ceux qui sont dans le besoin? Fattakullah walau bi shiqqi tamra. Aussi, lors de l'hiver, on entend certaines paroles très graves qui viennent corrompre la bonne croyance. Quelles sont ces paroles, chers frères? Les paroles de ceux qui insultent le temps et se plaignent du temps et disent il y a le mauvais temps, ou bien ils insultent le temps. Ceci est une erreur gravissime, mes chers frères. Pourquoi cela? Car le temps est une créature d'Allah Azza wa Jal, soumise à son décret et sa gérance. Donc celui qui insulte le temps, en réalité son insulte revient à qui? En réalité son insulte revient à Allah tabaraka wa ta'ala, le gérant. Celui qui décide des saisons et de la succession des jours et des nuits, du froid ou de la chaleur. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé ces gens-là en disant qu'ils insultent le temps, et c'est Allah qui est le temps. L'ordre est dans sa main et c'est lui qui fait se succéder le jour et la nuit. Donc l'insulte revient à qui? Revient au créateur du temps, à celui qui décide du temps. Il nous faut donc corriger ces paroles, nous repentir de ces paroles et purifier cette croyance afin qu'elle soit saine et pure. Et il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste du corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. Et la première chose qui réforme ce cœur, c'est la croyance authentique, telle qui est prise du Coran et de la Sunna. Et pour finir, en hiver, les nuits sont longues et les journées sont courtes. C'est pour cela que c'était un des mois préférés, c'était la saison préférée des personnes pieuses d'avant. C'était la saison préférée des personnes pieuses d'avant, car ils pouvaient s'adonner à l'adoration d'Allah Azza wa Jal sans grande difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'hiver est le printemps du croyant. C'est le printemps du croyant. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous disait que l'hiver est un butin pour les gens pieux, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire beaucoup d'adorations et obtenir beaucoup de hasanat. Et on l'appelait le butin froid, c'est-à-dire acquis sans grande difficulté. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous disait que soit le bienvenu, que soit bienvenu l'hiver, dans cette saison descend la bénédiction d'Allah. Ces nuits sont longues pour pouvoir y prier et ces jours sont courts pour pouvoir aller jeûner. Et Hassan al-Basri nous dit « Oh, comme est une bonne époque l'hiver !» Et il dit la même chose. Et Ubayd ibn Umar, rahimahullah ta'ala, disait « L'hiver arrivé, ya ahl al-Qur'an, oh vous les gens du Qur'an, tala laylukum lil-qira'a, votre nuit est longue afin de pouvoir lire, faqra'u, lisez donc, wa qasura naharukum lis-siyam fasoumou, et vos journées sont courtes, afin de pouvoir les jeûner. Alors jeûner. On voit ici qu'il y a une facilité dans le jeûne car les jours sont courts. Et il y a une facilité dans la prière de nuit qui est la meilleure prière après les prières obligatoires. Car la personne peut se lever et prier à la fin de la nuit après avoir pris une bonne part de sommeil. Donc cela sans grande difficulté. Il nous faut donc prendre ce temps et l'utiliser à bon escient et chercher la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car demain dans nos tombes, et demain, lors du jour du jugement, rien ne nous sera profitable de ce bas monde, si ce n'est les actions pieuses. Si ce n'est les actions pieuses. On ne doit pas faire comme certains qui passent leur nuit dans la musique ou devant la télé, ou à sortir ici et là et perdre leur temps. Mais il nous faut optimiser ces moments, ces minutes, ces secondes, sur lesquelles on sera tous questionnés au Al-Qiyam. Wallahu a'lam. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجمع كلمة علماء أهل السنة يا رب العالمين، واصرف عنهم كل سوء ومكروه، وأصلح الأمة يا ربنا يا رب العالمين. Chers frères, comme vous le voyez, autour de la mosquée, il y a des travaux et nous sommes dans le besoin de vos dons après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on vous demande de dépenser pour la cause d'Allah afin de pouvoir accomplir et achever l'ensemble des travaux de cette mosquée. Fajazakumullahu khayran walhamdulillahi rabbil alamin.